Opération Chaos, extrait du rapport d'enquête parlementaire Rockefeller. Sous l'égide de son directeur, la CIA a organisé, au sein des services de contre-espionnage, un groupe spécial d'intervention en août 1967. Celui-ci a été constitué pour répondre aux demandes de la Maison-Blanche. Son objectif ? Rassembler, classer et évaluer les informations sur les contacts des contestataires américains avec l'étranger. Dans le cadre de cette opération, qui sera connue plus tard sous le nom d'Opération Chaos, la CIA fut amenée à enquêter sur les contestataires américains par l'intermédiaire à la fois de ses stations à l'étranger et du FBI. Bien que le but avoué de l'opération ait été seulement de déterminer si oui ou non il existait des contacts entre les groupes d'opposition et l'étranger, une somme considérable de renseignements a été accumulée sur les oppositionnels américains et leurs activités. Sur une période de 6 ans, le groupe a ouvert 13 000 dossiers concernant entre autres 7 200 citoyens américains. Ces dossiers citent les noms de plus de 300 000 personnes ou organisations. Tous les noms étaient traités par ordinateur. Cette information était soigneusement gardée à l'intérieur de la CIA pour éviter que quiconque n'appartenant pas au groupe spécial d'intervention puisse s'en servir. Sur la base de ces informations, le groupe a préparé 3 500 mémorandums pour un usage interne, 3 000 pour le FBI, et 37 destinés à des personnalités officielles. Il y avait 52 personnes dans le groupe, à l'abri de tout contrôle, même de la part de l'état-major du contre-espionnage, dont elles étaient techniquement indépendantes. L'opération Chaos débuta à la fin de l'année 1969. On recruta un certain nombre d'agents pour obtenir des renseignements à l'extérieur des États-Unis sur les contacts avec l'étranger des groupes dissidents américains. Pour avoir suffisamment de couverture, ils furent recrutés au sein même de ces groupes, ou, s'ils venaient de l'extérieur, on leur donnait une formation pour qu'ils puissent les infiltrer. En principe, ils ne devaient pas recueillir de renseignements sur les activités de ces groupes sur le territoire des États-Unis. Cependant, en de nombreuses occasions, de tels renseignements ont été fournis par ces agents pendant qu'ils s'infiltraient dans le mouvement anti-guerre, et leurs informations étaient conservées dans les dossiers du groupe. À 3 reprises, des agents du groupe ont été spécifiquement utilisés pour collecter des renseignements sur l'activité intérieure des groupes contestataires aux États-Unis. On peut partiellement expliquer ces violations de la loi par la nature de la tâche qui avait été assignée au groupe. Déterminer l'influence étrangère sur les groupes oppositionnels. Cette mission comporte nécessairement 2 aspects, intérieur et extérieur. On ne pouvait pas répondre à la question sans rassembler des informations sur l'identité et les activités des Américains engagés dans l'opposition. Ainsi, dès le début, chaque effort de la CIA dans cette direction devait nécessairement soulever cette question. Est-ce que l'agence s'occupe, oui ou non, de la sécurité intérieure, outrepassant ainsi les droits que lui confère la loi? Les exigences de la présidence semblent avoir poussé la CIA à aborder le problème sans la prudence qu'un tel sujet demandait. 2 présidents et leur entourage ont demandé de façon pressante et continue que la CIA leur fournisse une évaluation détaillée d'une éventuelle connexion entre l'étranger et l'opposition américaine. Les conclusions répétées des rapports de la CIA, selon lesquelles il n'y avait pas de lien significatif entre les désordres intérieurs et l'étranger, ont conduit la Maison-Blanche à lui demander de ne rien laisser de côté dans ses recherches et de tout faire pour combler les lacunes des informations. Le résultat de ces demandes répétées fut un accroissement des moyens engagés dans l'opération Chaos, y compris en agents, au fur et à mesure que la CIA essayait d'étayer et de démontrer la justesse de ses conclusions. Ces exigences de la Maison-Blanche ont aussi, semble-t-il, encourager les dirigeants de la CIA à interpréter largement et parfois à dépasser leurs droits constitutionnels. Le secret excessif qui entourait l'opération Chaos, son isolement à l'intérieur même de la CIA et son indépendance vis-à-vis des voies hiérarchiques normales empêchaient toute surveillance et tout contrôle de ses activités par les officiers qui n'étaient pas directement concernés par le projet. Alors que montaient les violences raciales et les désordres civils, le président Johnson créa le 29 juillet 1967 la Commission nationale sur les désordres civils, la Commission Kerner. Le président avait demandé à celle-ci d'enquêter sur les origines des troubles raciaux. Il avait en même temps ordonné à tous les départements et agences du gouvernement d'aider la commission en lui communiquant leurs informations. Le 15 août 1967, Thomas Karamessins, directeur des opérations à la CIA, demanda au chef du contre-espionnage de mettre au point une opération de renseignement sur les activités à l'étranger de la subversion étudiante. D'après son témoignage, ces directives avaient été inspirées par Richard Helms, qui lui-même répondait aux demandes pressantes du président, qui voulait connaître l'influence de l'étranger, quelle qu'elle soit, sur les événements récents. Le témoignage de Helms est confirmé par un mémoire du FBI qui date de cette époque. La Maison-Blanche a récemment demandé à Richard Helms, directeur de la CIA, que l'agence fasse un effort particulier pour rassembler les informations qui concernent les agitateurs raciaux susceptibles de voyager à l'étranger. À cause des pressions que subissait Helms, un nouveau bureau a été ouvert à l'agence dans le but avoué de rassembler l'information qui parviendrait à la CIA et qui aurait un rapport quelconque avec les troubles raciaux aux États-Unis. Cette question d'une ingérence étrangère dans les troubles intérieurs mêlait les questions qui sont du ressort du FBI, l'agitation intérieure, et celles qui concernent la CIA, l'éventualité de contacts étrangers. Contrairement à la CIA, le FBI ne fournissait généralement que du renseignement brut, non traité. C'est apparemment pour ces raisons que le président s'est adressé à la CIA. Lorsque le directeur exécutif de la commission Kerner écrivit à Helms le 29 août 1967 pour lui demander que la CIA lui fournisse des informations sur l'agitation intérieure, Helms accepta, mais uniquement pour ce qui concernait les liens de cette agitation avec l'étranger. Au bout du compte, la CIA soumit 25 rapports à la commission, dont quelques-uns traitaient largement des activités intérieures. En 1968, les incessantes manifestations contre la guerre du Vietnam ont amené la Maison-Blanche à vouloir en savoir davantage sur les activités à l'étranger des groupes contestataires. Au cours des événements européens de 1968, la CIA a envisagé, en liaison avec le FBI, d'utiliser ces stations européennes pour surveiller les activités des citoyens américains à l'étranger et faire la preuve que les groupes américains étaient téléguidés, contrôlé ou financé par l'étranger. Au milieu de l'année 1968, la CIA accrut son effort sur cette question. Elle fit en sorte que l'information sur ce sujet ne parvienne qu'au groupe spécial d'intervention et à lui seul. On donna au groupe le nom de code Chaos. Un seul canal devait désormais servir à transmettre ses renseignements. Il était frappé du sceau « pour vos yeux seulement » et aboutissait directement chez le chef du groupe Chaos. Ces informations ne devaient être communiquées à personne d'autre.